Les joueurs coréens qui avaient participé au championnat asiatique d'haltérophilie 2017 ont regagné le deux couronnes, la patrie. Rappelons que lors du dernier championnat tenu du 22 au 29 avril à Turkménistan, les haltérophiles coréens ont obtenu 5 médailles d'or, 7 d'argent et 2 de bronze. Ils ont été accueillis à la gare de Pyongyang par les officiels intéressés, les sportifs et leurs familles qui les ont félicités en offrant couronnes et bouquets de fleurs. Dans les rues, ils ont été salués par de nombreux citadins. Les haltérophiles et leurs entraîneurs ont déposé les bouquets de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de leur formuler l'hommage.